Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 20h. L'Afropolitan Party vous donne rendez-vous le dimanche 22 février 2015 au Magazine Club à Lille pour un showcase avec Bona C4, J-Max et DJ Vigipit. Alors rendez-vous au Magazine Club, 84 rue de Trévis à Lille. Tarif 15€ en pré-vente et 18€ sur place. Plus d'infos au 06 71 86 81 31. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les rapataires qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Et voilà, donc on est dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus 106.6 FM. Et c'est l'émission des anarchistes de Lille, de partout. Du CCL et d'ailleurs. D'ailleurs, du plancton, ouais, etc., etc., etc. Et ce soir, il y a donc Léni. Enchanté. Et Isidore. Bonsoir. Et donc, on va faire une émission tout à fait craquante avec au programme. L'agenda. L'agenda d'abord, et puis après on écoutera des bouts de la manif de samedi dernier, peut-être. C'est ou ça. Peut-être qu'on on causera d'autres choses avant, ou je sais plus bien qu'est-ce qu'on avait dit. Voilà, on va écouter, on va faire une chronique mortuaire, voilà, sans aucune pitié. On va parler également de Calais et des luttes contre les frontières. Ou plutôt, en l'occurrence, on parlera beaucoup des luttes contre les personnes qui essayent de traverser les frontières et qui sont pas suffisamment riches et blanches pour que l'État les laisse faire tranquillement. Les États les laissent faire tranquillement et l'Europe. Et puis, de quoi parlera-t-on d'autre? Bon, ça fait déjà pas c'est mal de choses. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Parfait. Alors. On commence avec l'agenda? On commence avec l'agenda, c'est parti. Et du coup, l'agenda qui commence ce soir avec un truc où vous êtes déjà en retard, c'est le festival littéraire des bouquineuses qui a lieu chez Violette, 19 place Bonnenecker à Lille, métro Porte d'Arras. Ça a commencé à 18h30, mais ça se poursuit encore maintenant, vous avez le temps d'y courir. Ça commençait par un apéro, vous avez juste raté l'apéro. À 20h maintenant, il y a une expression libre animée par Amandine D. Et à 21h, il y aura les sentiments du prince Charles, des scénettes lues et jouées à partir de cette BD de Liv Strömquist. Désolé pour la prononciation de ce nom. Et qui est une BD qui met en lumière la domination masculine dans les couples hétérosexuels. Ça continue cet agenda demain. Avec demain plusieurs choses, du coup toujours la suite de ce festival littéraire chez les Violettes. Ce soir c'est en non mixité meuf et demain c'est en mixité mais que les relous ils peuvent s'abstenir d'y aller quand même. Et du coup ça commence à 14h demain avec la lecture d'histoires super drôles antisexistes pour les enfants de tous âges à 14h. À 16h30, ce qui n'a pas de nom pour l'heure à partir. Alors j'en sais rien si c'est vraiment le titre de ce truc là ou quoi, mais du coup ça sera à partir de l'œuvre de Monique Wittig à 16h30. Ça, à 19h, un buffet à prix libre, 20h des lectures et des rencontres avec Amandine D, et à partir de 21h la boom brinque des bouquineuses avec en spécial guest DJ Virginia Woolf qui fera chauffer le parquet. Et j'ai oublié que ce soir, il y a aussi un concert à partir de 20h30 et cette fois au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar à Lille. C'est un concert à prix libre, c'est-à-dire que chacun, chacune est invité à donner ce qu'il ou elle peut ou veut pour rentrer au concert. Et du coup, ça sera un concert avec trois groupes. Un groupe qui s'appelle Na, qui est de l'expérimental hip-hop drums, qui vient de tout droit de Bruxelles. Un autre groupe bruxellois qui s'appelle Repeat, qui est de l'expérimental électronique. Et enfin, un troisième groupe qui s'appelle Ronin, qui est du vaudou spaghetti western instrumental. Mais cette fois, ça vient d'Italie. Avec un nom tout à fait enthousiasmant. Demain, on continue avec à 16h à Calais, au parc Richelieu. Une manif contre les violences policières à Calais et partout ailleurs. Voilà, avec le petit descriptif qui est « Parce que c'est chaque jour, parce qu'il faut que ça s'arrête. Déambulation, diffusion de vidéos sur les violences policières dans Calais dès le petit matin. Open mic, vidéo, musique contre les violences policières au parc Richelieu à 16h. Et normalement, diffusion de nouveaux films courts sur l'attaque des fachos à Coulogne. » Donc il y a un an. Donc qui ont été tolérés pendant une semaine par les flics. Et voilà, donc c'est bienvenu. Voilà, et c'est dans le cadre d'une semaine de la résistance, où il y a notamment une grosse manif qui est prévue à Toulouse demain, et plusieurs autres choses. Et notamment, j'ai l'impression que c'est surtout à Nantes. À Nantes aussi. Voilà. Et du coup, demain, si vous voulez rester à Lille, demain après-midi, il y a une discute à l'Insoumise, au 10 rue d'Arras, une discute autour de Frontex et de l'Europe forteresse qui aura lieu à 16h. Frontex, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est un acteur majeur du contrôle aux frontières de l'Union européenne. Et du coup, l'idée, c'est de revenir sur le rôle de cette agence et des différentes politiques européennes de gestion des migrations et de la manière dont ces choses se mettent en travers de la vie des migrants, à Calais notamment, mais aussi ailleurs. Demain, toujours au CCL, il y a le retour à 15h des ateliers surréalistes, qui sont des ateliers d'improvisation, de musique, mais ça peut être aussi du texte ou plein d'autres choses. Et enfin, demain, il y a une soirée de soutien à une caisse anticarcérale, qui est une caisse pour récolter de l'argent pour envoyer des mandats à des personnes incarcérées, qui aura lieu dans un squat qui s'appelle la Mangouste, qui est juste en face du métro Grand Palais. C'est du coup un prix libre en soutien à la caisse, je viens de le dire, avec plein de groupes, Embuscade, Douche Froide, dont on écoutera peut-être un morceau tout à l'heure, un groupe qui s'appelle Pleine Crasse, les légendes de René Binamé, et enfin, dernier groupe qui s'appelle CC Crackcorn. Dimanche 22 février 2015, différentes choses, donc à commencer par la poursuite et le dernier jour du festival littéraire de chez Violette, 19 place Vanhoenacker, avec à 14h temps d'accueil et découverte à la bibliothèque, 16h lecture de texte de Jouama Haddad par Ratiba Mokri, comédienne clown de la compagnie Ratibus, désolé. J'étais en train de me dire que j'avais probablement très mal prononcé les noms précédents. Et du coup, boum, je suis mis en mode accent et c'est raté. 17h30, lecture de Beauté Fatale, un livre de Mona Chollet sur le complexe mode beauté par Aude Vidal. Et à 19h, Auberge Espagnole. Alors, le samedi, c'est mixte et le dimanche c'est retour en non mixité, donc ce sera les mecs ne sont pas bienvenus. Voilà, je continue avec le soir au Centre culturel libertaire à 20h30 un concert de Lady Einstein qui est du Dada Rock de Bourges, de Karmwald, du Drone XP de Lyon, de Mitterrand, de la musique fricadélique de Lille et de Stink Sisters du Garage Punk de Rotterdam. Et du coup, la semaine prochaine commencera, comme tous les lundis, par un repas au Centre culturel libertaire. C'est un espace anarchiste à Lille, qui est ouvert depuis quelques temps. Et du coup, avec le grand retour de la cantine vegan entre midi et 14h lundi, au menu du houmous pour changer... ensuite de la purée napolitaine et enfin... Pardon. Non, j'étais en train de me dire que le menu de la cantine était étonnant dans l'annonce du programme, mais en fait non. Il n'y a pas besoin de rajouter anarchiste à la fin de chaque sujet ou chaque phrase, excuse-moi. Je t'en prie. Et du coup, en dessert, c'est pas sûr, mais il y aura soit des crêpes au chocolat, soit du marbré au chocolat. Et c'est à prix libre. Le mardi 24 février 2015, au Centre Culturel Libertaire, quelle actualité ce centre, c'est génial. Donc il y a un concert à 20h, à prix libre, qui commence par Syndrome WPW, qui est d'électro-punk de Lausanne, Janken Pop, du powercore pop de Avignon, du Zombectro, du grindcore 8-bit Avignon, et des Asanka, du breakcore oriental de Lille. Mercredi 25, comme tous les mercredis à 18h, c'est la manifestation du comité des sans-papiers 59. Du coup, rencard à 18h30 à République pour soutenir les sans-papiers en lutte et la régularisation de tout et sous les sans-papiers. Et le lendemain matin, dès 7h, au Centre Culturel Libertaire, et jusqu'à 9h30, il y a un petit déjeuner. Venez prendre votre petit déjeuner à prix libre avec jus de fruits, thé, café, chocolat chaud, tartines ou baguette beurrée vegan, du beurre vegan, sans produit d'exploitation animale. Voilà, ce sera toutes les semaines a priori, jusqu'à preuve du contraire, de 7h à 9h30, allez voir des libertaires, des anarchistes qui vous debout préparent le petit déjeuner. Voilà. Et du coup, la journée de jeudi, pour celles et ceux qui seraient du côté d'Arras, vous pourrez aller à la deuxième réunion d'un collectif qui s'appelle Fuck the Main Shit, qui est un... Je vais vous lire le petit texte d'appel à cette réunion. Fuck the Main Shit pour un autre festival. On est plusieurs à penser que le Main Square Festival relève plus de l'industrie de la culture, du supermarché que du festoche sympatoche, du capitalisme coté en bourse que de l'espace d'épanouissement collectif. Live Nation fait payer la ville et le public, empoche la thune et laisse les miettes aux artistes locaux, aux arrageois et à l'économie locale. Et tout le monde il est content ? Bah non, tout le monde il est pas content. Histoire de marquer le coup, de montrer notre désapprobation et d'envisager ensemble la possibilité d'organiser à notre échelle une ou plusieurs contre-soirées, venez participer à la deuxième réunion du collectif Fuck the Main Shit qui aura lieu jeudi 26 février 2015 à 20h au café L'Equinox, rue des Augustines à Arras. Très bien, on enchaîne avec le vendredi 27 février 2015 à 21h au Centre Culturel Libertaire, un concert qui est à prix libre et qui aura plusieurs groupes qui joueront, puisque plusieurs, ça commence à deux. Et le premier, c'est facile, c'est Lost Pagan, donc le païen perdu, du hardcore marécageux d'Amiens. Et le deuxième, je vais prendre ma respiration pour dire le nom du groupe, c'est Miss Tetanos und SRLFA featuring Stephen O'Maltin. Et donc c'est de l'Electro Drum Live Electronics. Yeah. Et enfin, le samedi prochain, samedi 28 février, comme tous les derniers samedis du mois, c'est l'Assemblée Générale Mensuelle du Centre Culturel Libertaire à 14h30, 15h. Et du coup, l'Assemblée Générale, on peut le redire, c'est le lieu où toutes les décisions qui concernent les activités du Centre Culturel Libertaire sont prises, puisque il n'y a pas de chef ni de conseil d'administration au Centre Culturel Libertaire, et que tout se décide en Assemblée Générale. Ces Assemblées Générales, elles sont ouvertes à toutes et tous. On peut y venir juste si on est curieux, curieuse, et qu'on veut voir à quoi ça ressemble. On peut y venir si on a quelque chose à proposer, qu'on pense que ça aurait sa place au Centre Culturel Libertaire. Voilà. Et du coup, c'est 14h30, samedi 28 février. Et ce même samedi, à l'Insoumise, à 16h, il y a une écoute collective suivie d'un débat sur qui s'appelle « Nucléaire, la fabrique de l'oubli ». Donc, le pitch est le suivant. Le désastre du nucléaire n'est pas que celui des catastrophes, mais bien celui de la routine de la société nucléaire et de la façon dont nous nous en accommodons. Nucléaire, la fabrique de l'oubli, est un document radiophonique. Nous avons essayé d'apercevoir cette société nucléaire qui, par son omniprésence, se fait oublier. Voilà, c'est fini avec l'agenda politique et militant du Centre culturel libertaire et des choses qui nous paraissent anarcho-libertoïdes compatibles sur la région de Lille et bien au-delà, puisque au moins cette fois-ci ça allait jusqu'à Calais et à Arras. Et on peut dire qu'on peut retrouver tous ces rendez-vous si on n'a pas eu le temps de tout noter sur plusieurs sites, soit sur lille.cybertaria.org ou sur lille.indimedia.org. Et on rappelle aussi que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00, 03 20 91 24 00, et que vous pourriez aussi nous écouter sur internet sur radiocampus. J'en sais rien. .com. Voilà, campuslille.com. Très bien. Et comme plage musicale, on va pas passer n'importe quoi. On va passer un morceau qui a été mis en avant par le site Les mots sont importants, lmsi.net, donc qui est et par un article du coup de Sylvie Tissot qu'on avait d'ailleurs reçu à Lille à l'occasion, d'ailleurs c'est d'actualité, du bouquin Un troussage de domestique, qui était un recueil de textes d'analyse sur ce qui s'était passé suite aux accusations contre Dominique Strauss-Kahn. Et donc Sylvie Tissot qui a écrit plein de choses, notamment sur la gentrification, mais également là qui met en avant un morceau de musique d'une chanteuse qui est décédée très récemment, Leslie Gore. Et cette chanson s'appelle You Don't Own Me, ce qui veut dire Je ne t'appartiens pas. Et elle le met en avant parce qu'elle trouve que c'est absolument fantastique. Ça date de 1963, et les paroles sont « Je ne t'appartiens pas, je ne suis pas un de tes nombreux jouets, ne me dis pas ce que je dois dire, ne me dis pas ce que je dois faire ». La musique est d'époque, le texte est d'époque aussi, et il est tout à fait fantastique sur l'empowerment, comme elle dit, une déclaration d'indépendance, un acte d'accusation. Et c'est parti pour vos oreilles. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et on écoutait Leslie Gore. You don't own me. Et tout de suite, du coup, c'est La Voix sans maître sur Radio Campus et on va enchaîner en revenant sur une manifestation qui a eu lieu samedi dernier, auquel quelques-uns d'entre nous étions, et où du coup on a pris quelques sons, et puis voilà, on se propose d'écouter ça tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler aussi, on le redit, au 03 20 91 24 00. À tout de suite. Je suis dans les préparatifs d'une action de grande envergure. Et ça prépare de la soupe. Et ouais. Et ça prépare de la soupe. Alors qu'est-ce qu'on met dans de la soupe? Et ben là, ça va être une soupe simple et rapide. Poireaux, patates et bouillon de légumes s'ils sont vegan. Ah, s'ils sont vegan. Ça, c'était la chose pas anticipée. Voilà. Et où est-ce qu'on voit si c'est vegan ou pas? Dans les ingrédients. Oh, parfois, ça arrive de temps en temps, c'est marqué comme quoi c'est 100% végétal. Ah, et là c'est pas écrit. Hein. Là non, c'est pas marqué. Et c'est plutôt vegan. Hormis le sucre qui est toujours un grand doute dans ces histoires. Vu que... parfois il est extrait avec des os calcinés d'animaux. Et ils ne l'écrivent pas sur la boîte. Et ils disent pas quel type de sucre qu'ils mettent dedans. Non. Disons que parfois les trucs bio, ça a cet avantage que le sucre blanc bio, ça n'existe pas trop. Du coup, c'est normalement du sucre de canne. Mais ils mettent pas ça dans les cubes. Ok. Bon, ça a l'air assez bon hein, cette soupe. Ouais. Ça va être bien. Faudra bien hein. Ouais, très bien. Bon bah voilà. C'était le premier épisode de ce reportage. Alors, ça marche ou pas? Ça on fait un test aussi. À Grand Place, oui. On se rassemble contre la chasse aux pauvres, les grands projets inutiles, tout ça quoi, les grands projets. Donc l'idée c'est de dénoncer l'urbanisation constante de nos quartiers, l'artificialisation des terres, c'est-à-dire qu'on bétonne de plus en plus pour construire des zones commerciales, des centres commerciaux, et des bâtiments d'habitation qui généralement sont faits sans ressources locales, donc avec du béton importé par des grands groupes de BTP. Et bon bah on sait que le béton ça coûte en énergie à faire, le sable pour faire le béton, et ben ça se dit pas, mais il y en a plus hein, donc c'est déjà un peu tard et il est temps de réagir et d'arrêter ce principe d'artificialisation des terres. Et donc c'est pour ça que je suis venu. Je suis pas très réveillé. Réveillé, ok. Et pourquoi c'est important pour toi d'être là? Moi j'habite à Fives, il y a plein de projets urbains en quartier sur la consultation des habitants. Je pense que là il faut se faire entendre, créer un rapport de force. Tout ça quoi. Et à Fives du coup, puisque t'en causes, il y a un APU qui s'est monté là, c'est ça? Ouais. Depuis deux mots. Bah en fait on s'est monté en. Merci. On s'est monté en juillet, officiellement en juillet 2014. Et on s'est fondé en. Le collectif APU s'est fondé en janvier l'année dernière. D'accord. Donc, on est assez jeune. Et en fait on est une association d'aide au logement. Pour aider les locataires qui ont des soucis avec leurs propriétaires, donc créer un rapport de force, un peu à la manière d'un syndicat, mais pas que en fait. Parce que le terme APU c'est atelier populaire d'urbanisme. Atelier parce qu'on n'est pas des professionnels, on est des militants, des bénévoles, on a quand même un salarié parce que c'est un masse de boulot. Et populaire parce que faut que ce soit des gens du quartier qui aient leur voix propre, que ce ne soit pas des promoteurs, des élus qui consultent personne. Et d'urbanisme, parce qu'en fait on a une réflexion, on a aussi une réflexion critique de l'urbanisme. Le volet accompagnement des locataires qui ont des soucis, c'est pas le seul volet de l'APU. Il y a aussi on se pose souvent des réflexions en mode habiter la ville, qui habite la ville, Genre, il n'y a pas que les locataires qui sont qui habitent une ville, il y a des gens dans des squats, il y a des gens dans des camps, etc. Il y a des charclos, etc. C'est pas, on aimerait bien transformer un peu cette notion d'habitat. Et on s'oppose également aux grands projets urbains inutiles, dont certains à FIB. Après on n'est pas les seuls, on n'est pas qu'à FIB, il y a aussi bon, Moulin pour le quartier de à Euralille et on marche pour contre bah voilà tu vois déjà je sais même pas répondre je sais pas j'ai vu de la lumière alors est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Oui je sais pourquoi je suis là parce que je soutiens les copains qui ont monté un collectif contre la construction sur l'île aux pépinières d'un tas de bordel qu'on n'a pas envie qu'il soit, on a envie que en fait ce soit les habitants qui décident un peu de ce qui va se passer sur, sur cette friche en fait. Voilà. Ok. Et du coup il y a une petite manif là, c'est ça? Ouais c'est sympa, il y a même des keufs qui nous rejoignent là, c'est l'Union nationale là. Ah ils ont rejoint le cortège, ça nous fait ouais, trop plaisir quoi. On les applaudit non? Ah bah ouais ouais nous on les applaudit, ils ont sorti la gazeuse, on les a applaudis, on a fait ouais. Salut. Salut aussi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et où, qu'est-ce qu'on fait là? On est dans un magnifique univers de verre, il y a peut-être un peu de fer, il y a beaucoup de béton aussi. Et du macadam, bon, il y a trois arbres qui subsistent, mais on a dû les replanter. Hein, et on a juste tourné après la gare des Flandres. Ah oui c'est ça, on est dans l'avenue Villibrante, voilà. Que du bonheur. Là on se dirige un peu vers un magnifique paysage. On peut apprécier l'architecture. Oui, bon, là on aurait beaucoup à dire, mais bon, on a surtout les émanations et le bruit. On a le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur de la police qui nous surveille. Ah ben là, là ça roule sur le trottoir allègrement et oui, on a toutes les émanations. Voilà, on aperçoit le périph'. Le périph' qui roule comme toujours. Déchargé, mais ça roule. Mais ça roule. Jusque-là, tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des voilà. Mondes. Et il y a toujours des bureaux à louer. Parce que... Ah ça, des bureaux, ça manque pas. Hein. Non, quand on parle de logement, c'est autre chose. Hein, mais les bureaux, je crois que ça manque pas. Il y a matière à réquisition. Là. Ouais, c'est le Triton Libéré, c'est le canard de la PU de FIB LM Saint-Maurice, quand il faut dire en entier. Okay. C'est le numéro combien? C'est le numéro 2, en fait, avec une dizaine de participations, on a vendu sur le quartier et tout. Des c'est dessins des dessins, ouais, il y a des dessins, il y a les contacts de la PU dessus, et il y a... en fait, on avait fait pour un événement, on avait fait sur le quartier, d'ailleurs c'est passé sur campus aussi, une balade urbaine et un bistrot tour dans les rades de Saint-Maurice et de FIB en fait, avec un groupe qui s'appelle Arsène du Punk. Ça, on a brassé pas mal de monde, c'était cool, en mode créer l'événement dans le quartier, se rapprocher les quartiers, c'était sympa quoi. Ok, voilà. Très bien, du coup là tu diffles le journal. Ouais, en fait on est censé faire une criée demain, mais je me dis que je peux commencer maintenant quoi. Ouais, ouais, ça sera toujours cette paix. Et ouais, comme là il y a un peu de monde. On est en mode petit rassemblement festif devant l'île aux pépinières. Bah ouais, du coup c'est quoi là cette île aux pépinières? Alors l'île aux pépinières c'est un grand terrain, de plusieurs hectares, avec des maisons sur le devant et une grande forêt derrière. Ouais. Avec anciennement, comment dire, avant il y avait une fleuriste qui habitait ici, mais elle s'est fait pas expropriée, mais en fait elle avait un loyer avec la mairie qui n'a pas reconnu le bail. Il y a des habitants, là, des problèmes d'occupants dans les maisons là-bas, excusez-moi. qui sont menacés d'expropriation parce que il y a une déclaration d'utilité publique qui a été réalisée l'année dernière, en je sais plus quand exactement. Et nous en fait avec la PU on les a suivis parce qu'ils ont demandé notre aide. On a fait plusieurs événements, des soupes, une fois on avait fait une visite de la pépinière parce qu'on est arrivé, c'était ouvert, on sait pas pourquoi. Voilà. Et puis vous avez fait un cahier d'acteurs aussi pour l'enquête publique. Comment ? Vous aviez fait un cahier pour l'enquête publique. Ouais, un cahier, ouais. Un cahier pour l'enquête publique, une contribution à l'enquête publique. On avait vu l'enquêtrice publique avec les habitants. Elle a dit qu'elle rajouterait le dossier. Après, bon, ils ont quand même bien fait. Enfin, ils ont quand même oui, oui. Ils s'en foutaient, quoi. Mais elle a dit qu'elle tiendrait compte des propositions. Bah, en fait, nous. De toute façon, il n'y avait pas de. Vous n'étiez pas. On n'était pas pour. Hein, mais, non, mais vous n'avez pas trop d'illusions sur le poids de l'enquête publique. Bien sûr. On sait après, toujours à quoi. Ça... Les choses qu'on a pointées de problématiques, c'était le fait que bah, déjà, ça allait être des immenses immeubles, jusqu'à 9 étages. Créé par la SP de la ville. En fait, j'ai pas dit, mais c'est ce projet urbain, c'est en relation avec la mairie, enfin, la communauté urbaine, Euradine et les quartiers qui suivent comme d'hab quoi. Et en fait c'est des immeubles donc, qui vont être construits en marge, enfin pour dans la continuation de Euradine. Pour la petite histoire du lieu. Ah voilà. Batitonio. En fait, Euralille, pourquoi ils ont construit Euralille ? Parce qu'il y avait plein de terrains libres. Pourquoi il y avait plein de terrains libres ? Parce qu'il y avait les anciennes remparts de Lille, en fait, qui étaient plus poil sur le terrain d'Euralille. Et en fait, les anciennes remparts de Lille, depuis très longtemps, il y avait ce truc d'avoir 200 mètres ou 150 mètres devant les remparts, qui soit un espace libéré pour pouvoir voir arriver les assaillants. Et donc, normalement, on n'avait pas le droit de construire, c'était non constructible. Et en fait, la mairie, vu le bordel au niveau du logement à Lille, quand la ville de Lille, rue de Tourcoing, elle explose en termes d'industrie, la ville de Lille, elle autorise les gens à venir s'installer en fait sur cette zone-là, mais ils doivent construire des maisons en bois. D'accord. C'est-à-dire des maisons qui puissent être brûlées et rasées dès qu'il y a un assaillant qui arrive. Donc c'est pour ça que toutes les baraques ici, là, entre Euralille et à peu près ici, on a toutes des baraques qui sont en bois, quoi. Plein de maisons en bois. Ok. Ces maisons-là, c'est des maisons. Là. Et il n'y a pas eu un bidonville aussi après-guerre par là, non ? Ah oui, bah alors là, c'est au bout de la rue, là, si on descend vers... justement, comme on n'avait pas le droit de construire en dur, il y a des gens qui sont venus s'installer, construire des maisons en bois. Ici, tu as des belles maisons en bois qui ont été construites. Mais du côté des Dondaines, un peu plus loin, c'était des maisons en bois un peu déglinguées, quoi. Et donc, c'était un bidonville, mais les gens, quand tu leur rappelles ça dans le quartier, ils n'aiment pas le terme de bidonville. Et ils disent que c'était un vrai quartier, quoi. Ouais. Avec des baraques construites, avec des matériaux de récup, machin. Ok. Là où il y a le périph. Non, il y a l'entrée de ville, là. Là on est passé en manif tout à l'heure. Les Dondaines, c'était pile poil au niveau du parc des Dondaines, quoi. Ouais. Donc, parc des Dondaines, pour une petite visite dimanche prochain, allez au parc des Dondaines et repérez le gros châtaignier au plein milieu du parc des Dondaines. Celui-là, il était quasiment au milieu du quartier des Dondaines, des Dondaines. Tout s'organisait autour, ce châtaignier. Et il y a eu une lutte dans les années 90 pour pas qu'on le démolisse, parce que la mairie voulait raser le châtaignier, couper le châtaignier. Il y a notamment des parents d'élèves et tout, de l'école juste à côté, qui ont dit non, on garde le châtaignier. Et les remparts, ils ont été virés quand ? Les remparts, ils ont été démolis. Il y a un décret de 1918 qui, si je me plante pas, c'est ça, 1918, qui dit... on met à bas les fortifications et on démolit tout et après ça s'est démoli au fur et à mesure. Ouais, quoi. Ouais. Et il en reste quelques traces les portes, côté Ouais voilà, il reste les portes. Portes de Roubaix. Mm. Portes de Tournai, portes de Roubaix, celle qui est à côté du vieux Lille. Portes de Gand là. Portes de Gand aussi, ouais. Et après la porte de Paris, c'est une ancienne porte des anciennes fortifications de Vauban, ça, ouais. Encore. Donc encore plus vieux en fait. Et puis plus intérieur que. Et donc là de fait c'était à l'intérieur de la ville. Quoi. Ouais, ouais. Enfin c'est pas ces portes là qui ont été construites au 19e. Quoi. C'est des portes qui ont été construites au temps de Vauban. Je ne sais pas Vauban, quel siècle précisément. Ok. Et donc voilà, pour faire revivre. Et donc la pépinière là-dessus. Bah oui. La pépinière là-dessus, c'est un des seuls terrains à Lille où il n'y a jamais eu de construction qui a été faite. Donc c'est la nature depuis toujours en fait. Quoi. Et donc le terrain a été récupéré par une pépinière, par un fleuriste qui était là, qui a fait toutes ses plantations et qui a laissé un peu comme ça en friche derrière. Et on sait depuis quand il y a une pépinière ou tu sais ça? Ouais, si, bah, donc la famille des gens qui étaient là, elle possède le lieu depuis au moins 1950, okay. C'est-à-dire de père en fils, de père en fille, vu que c'était la dernière fleuriste là. Et puis sinon, après, il y a toujours eu. Et bon, ici, il y a eu aussi l'histoire des... Je continue, hein. Vas-y. L'histoire des guinguettes. Guinguettes. Alors les guinguettes, c'était des lieux où on mangeait, où on dansait, où on buvait beaucoup pour les ouvriers et qui venaient s'installer devant les remparts pour pas payer l'octroi, pour pas payer la taxe, l'impôt qui te fasse que ton alcool coûte plus cher à l'intérieur à Saint-Sauveur et tout que ici. Donc elles venaient s'installer juste devant les remparts sur ces terrains non constructibles et donc dans des espaces un peu champêtres, peu avec plein d'arbres, la nature et un petit ruisseau qui passait juste à côté. Et donc ça donnait. Et du coup c'est des petites constructions, c'est des constructions en bois. Donc c'était des constructions en bois, alors ils trichaient beaucoup en fait. Ouais. Parce qu'ils avaient le droit de construire qu'en bois, mais en fait ils construisaient les murs en briques et après ils foutaient du bois devant, comme toutes les baraques qu'il y a ici en fait. Donc il y en a beaucoup qui trichaient. Et donc t'as plein de procès, machin, il y a construit en bois, oui non c'est en bois, c'est ossature bois, ou c'est revêtement bois, enfin c'est tout ça. Bon et là la police s'en va. La police s'en va. Yeah. toujours sur Radio Campus 106.6 FM. Et on écoutait à l'instant Douche Froide avec un morceau qui s'appelle Forêt et qui joue demain en concert à la Mangouste. Et du coup, on va poursuivre et peut-être finir cette émission en causant des luttes contre les frontières, des frontières dans l'Europe. C'est ça, et des luttes contre les personnes qui essayent de franchir ces frontières en Europe et aux frontières de l'Europe. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission de radio. L'Europe, notamment via son agence Frontex, qui veut dire frontières extérieures, qui est une agence européenne financée et dont le vote est, dont le budget est voté chaque année par le Parlement européen, essaye de mettre en place un processus d'externalisation des frontières européennes, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas les pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou l'Angleterre, etc., qui s'occupent de rejeter les personnes qui arriveraient en Europe sans avoir les bons papiers et le bon portefeuille, mais essayer de demander et d'obtenir, soit par des avantages économiques, soit par des rétorsions plus politiques ou militaires, d'obtenir que les pays qui sont pas en Europe, qui éventuellement ont envie d'y être mais qui ne font pas partie de la communauté européenne, qu'elles fassent ce travail de flic. De flics, de bastonnage des migrants, des étrangers. Et donc l'un des épisodes tout récents qui illustre ça, c'est ce qui s'est passé au Maroc au niveau des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc. Dans ces petites zones espagnoles au Maroc, à proximité des campements de personnes qui cherchent à rentrer en Europe et qui habitent là au Maroc. Et qui de temps en temps font des tentatives pour traverser donc ces grandes barrières triplées, quadruplées, de plusieurs mètres de haut, avec des fils de fer barbelés, des caméras de vidéosurveillance, des vigiles, des chiens, tout ce qu'on veut. Tout ça financé en partie par l'Union européenne. Et donc, de temps en temps, il y a des assauts et il y a parfois quelques dizaines de personnes qui réussissent à passer sur les centaines qui tentent. Et les personnes qui n'y arrivent pas, ou celles qui arrivent quand même et qui échappent quand même au coup de bâton, qui arrivent à se réfugier en Espagne, eh bien, sont fortement frappées. Il y a des témoignages vidéo, enfin des vidéos qui le montrent, et des documents écrits, des témoignages autant qu'on en veut. Mais bon, cet aspect-là ne fait pas l'actualité en général. Mais jusqu'ici, il y avait du coup une relative... Je ne vais pas m'exprimer comme ça. On va dire que le 9 février, il y a eu une conférence de presse du ministre délégué aux Affaires intérieures, M. Sharki Drais, qui annonçait de manière unilatérale la fin de l'opération exceptionnelle de régularisation des migrants sans papier qui était amorcée en janvier 2014. Et 2 heures après, il y avait les autorités marocaines ont mené une large opération de ratissage dans le campement de Gourgourou, donc à proximité de la ville de Melilla. Et avec l'arrestation massive, donc c'est une rafle, hein, on peut dire ce qui est, de environ 1200 personnes qui, après prise d'empreintes, photos et enregistrement de l'état civil et de nationalité, ont ensuite été conduites vers différentes villes marocaines, dont je ne donnerai pas la liste, et dont il n'a pas été facile non plus de retrouver l'existence, parce qu'il y a peut-être encore d'autres villes où des gens ont été envoyés sans... Sans qu'on le sache, exactement. Alors, il faut voir que toutes ces... en plus de cette synchronisation exceptionnelle entre conférence de presse et cette action policière de répression. Il y a eu en plus de cette arrestation de toutes ces personnes, une destruction par le feu, par le bulldozer de tous les campements. Donc quelque chose qu'on connaît à Calais, puisque ça est arrivé à plusieurs reprises, que ce soit en 2009 ou en 2014, où simplement la police, la préfecture décide « Ah bah, on va tout détruire », et puis ils arrivent et puis ils détruisent tout, et puis ils laissent tout le monde de la rue, sauf que leurs affaires sont détruites, leurs campements sont détruits. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'humanité dans le vocabulaire policier. Et donc là, au Maroc, donc il y a eu privation de liberté hors de tout cadre juridique, déplacement forcé contre leur volonté de ces 1200 personnes dans différentes villes, absence d'examen individuel. Il n'y a pas eu d'examen particulier pour chacune des personnes qui ont été arrêtées, et arrestation de mineurs et de demandeurs d'asile sont en contradiction avec les lois qui les protègent en fait contre les procédures d'expulsion et de reconduite à la frontière en tant que personne en danger. Ce qu'il faut voir en parallèle avec ça, c'est que non seulement il y a eu, donc ça se continue, hein, ça continue. Donc il y a eu le 9 février, il y a eu le 12 février aussi des rafles, le 13 février encore 200 personnes qui ont été arrêtées. Voilà. Il y avait des personnes qui étaient en train d'essayer de reconstruire des camps, mais bon, parce qu'évidemment, il y en a 1200 qui sont arrêtés, mais il y en a encore d'autres qui sont pas arrêtés, heureusement. Et ces personnes-là, elles habitaient là, elles cherchent à rester, à vivre là, donc elles essayent de reconstruire le camp. Mais la violence de l'expulsion et de la destruction du camp, les violences physiques également, sont présentes, donc ça se passe assez mal. Mais bon, ça va se reconstruire, hein. Comme à Calais. À Calais, l'État détruit les camps. Bon, les camps se reconstruisent, hein. Les gens, ils ont franchi des milliers de kilomètres, ils ont franchi la Méditerranée. Ils ont vu leurs amis, leurs familles parfois mourir dans le désert ou dans des camions asphyxiés ou mourir noyés au milieu de la Méditerranée. Ils vont pas s'arrêter parce qu'on a détruit une cabane avec une tente Décathlon, quoi. Bref. Et... Donc, ça continue. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est vraiment extrêmement triste, enfin pas triste, désespérant, mais en même temps logique, c'est que l'argumentaire qui est utilisé par les autorités marocaines pour justifier la destruction de ce camp et le déplacement forcé de ces centaines de personnes ou milliers de personnes, c'est: on fait ça pour leur bien. Donc c'est comme à Calais. On détruit votre campement, c'est parce qu'il y a peut-être une épidémie de gale qui est en train de se propager. Du coup, on détruit votre maison. Ah bah, on vous empêche de vivre dans ce squat. Bah oui, mais vous comprenez, il y a peut-être des problèmes d'infiltration d'eau dans les murs. Voilà, ils ne sont pas aussi prévenants pour tout un ensemble de personnes qui vivent dans des bâtiments très abîmés. Mais là, comme c'est des migrants ou des squatteurs migrants, l'argumentaire du « pour votre bien » est utilisé à toutes les sauces pour les foutre dehors à la rue avec rien du tout et à la merci de la pluie et du vent et de la neige. Et là, en l'occurrence, ils disent également que c'est pour les protéger de la mainmise des passeurs et des trafiquants humains. Alors, à nouveau, cette rhétorique est complètement inepte, mais bon, ça passe en une phrase dans les médias et il ne faut pas compter sur les journalistes pour les reprendre sur ce genre de choses. Mais la question de... Le mécanisme le plus connu, c'est que plus on ferme les frontières, plus on rend difficile la traversée des frontières, plus, en réalité, on crée des marchés pour les passeurs et pour les trafiquants. C'est-à-dire que l'État se plaint d'une situation qui crée lui-même, l'État marocain, l'État français, l'Europe se plaignent d'une situation qui crée eux-mêmes. Donc si c'était facile de franchir les frontières, il n'y aurait pas de problème de trafiquants et il n'y aurait pas de problème de passeurs. Du coup, c'est leur argumentaire est hypocrite. Ils font juste déplacer un tout petit peu la rhétorique, mais ça n'amène à rien du tout. Voilà. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a eu des tentatives de négociation, exactement comme en France, avec les ambassades des pays d'origine des migrants. Alors, Il semble que le Sénégal et le Mali seraient prêts à, entre guillemets, reprendre leurs citoyens. Voilà, le Cameroun apparemment a refusé en raison d'une crise de sécurité intérieure. Alors il y a aussi des pays qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils acceptent de servir de pays de transit. Alors ça, c'est encore un mécanisme d'externalisation de la lutte contre les migrants et de fermeture des frontières européennes. C'est que même si les pays d'origine des personnes refusent d'accueillir accueillir à nouveau des personnes qui a priori viennent de leur pays, il se trouve parfois des pays qui sont d'accord pour servir de pays de transit en attendant de l'expulsion vers le pays d'origine. Donc là en l'occurrence c'est la Mauritanie. Voilà. Faut savoir quand même que, par exemple, il y a des ratés énormes, comme par exemple le Sénégal et le Mali, qui mardi dernier ont refusé deux bus de migrants. Voilà. Donc ils ont dit non, ces bus de migrants, ils viendront pas sur le territoire sénégalais ou malien. Voilà. Donc voilà, les migrants et migrantes sont ramenés ensuite au centre suite à ces refus. Voilà. Donc ce qu'il faut voir là-dedans, c'est l'identité, la proximité énorme entre la rhétorique française à Calais et la rhétorique marocaine. C'est les mêmes idées, c'est les mêmes financements et c'est les mêmes résultats, c'est-à-dire que c'est de la communication, c'est l'occasion de mettre en place de la répression, je sais pas. Ils justifient leur existence en sacrifiant des centaines et des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Là, en l'occurrence, des gens qui sont battus, qui sont arrêtés et mis dans des camps improvisés. Mais les mêmes conséquences sont parfois, en rendant plus difficile la traversée de la Méditerranée, des gens qui meurent dans la Méditerranée, des gens qui meurent dans le Sahara, par milliers. Voilà, c'est ça le grand succès des politiques xénophobes européennes et françaises et l'externalisation des frontières. C'est ça le résultat de la logique policière et sécuritaire européenne mise en œuvre via son bras armé contre les migrants qui est Frontex. C'est ça l'aboutissement de la démocratie européenne, des démocraties européennes, du projet européen. C'est ça. On y est, quoi. C'est absolument médiocre et on y est et c'est comme ça. Je vais juste enchaîner en donnant quelques infos sur quelque chose qu'on avait déjà présenté il y a quelques temps. C'est que le 29 janvier, il y a un fourgon de CRS qui avait percuté un exilé ou un migrant, peu importe comment on l'appellera, sur l'autoroute A16 vers Calais et qui lui avait écrasé la jambe contre la rambarde. Donc voilà, donc écrasé la jambe, une jambe cassée. Il était, je crois, récemment hospitalisé. Alors, dans un premier temps, le parquet de Boulogne-sur-Mer avait annoncé une enquête qui devait être menée par l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police Nationale, c'est-à-dire une simple enquête interne à la police, ce qui déjà pose question. Là, je suis en train plus ou moins de vous résumer un texte de passeur d'hospitalité, donc c'est une personne de Calais qui fait un blog sur ces questions-là. Mais là, nouvelle étape dans la déchéance française, puisque le 17 février de ce même parquet de Boulogne-sur-Mer est revenu sur sa première version. Et donc, voilà, cette fois-ci, l'enquête sur le fourgon de CRS est confiée au CRS eux-mêmes. Et la procureure adjointe a déclaré même à la Voix du Nord... c'est un accident, il n'y a pas d'acte volontaire. Donc, il n'y a pas eu d'enquête. L'enquête, elle est passée de l'IGPN à la compagnie de CRS elle-même. Et puis, la procureure adjointe dit déjà qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'acte volontaire. Et donc, ce blog, la passeur de spécialité, pose la question assez justifiée qui est, si c'est un accident, pourquoi il y a quand même une enquête chez les CRS? Enfin, bref. La conclusion, elle saute aux yeux, c'est qu'avec des parquets et un parquet aussi zélé, donc le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, peut continuer à dire bien tranquillement qu'il ne se passe jamais rien d'anormal à Calais, puisque, comment dire, c'est affligeant, mais la justice décide d'étouffer le truc, mais de la manière la plus grossière qui soit. et demande aux personnes qui sont en cause d'enquêter sur leurs propres fautes. Bien. Jamais on ferait ça ailleurs, à part dans des pays totalitaires, mais en l'occurrence, c'est la politique française. J'enchaîne quand même avec d'autres choses, parce que les migrants et les personnes qui les soutiennent à Calais n'ont pas seulement à se méfier et à avoir peur de la justice et de la police française, parce que voici un petit résumé des attaques fascistes en février contre les migrants et les migrantes à Calais. Donc c'est juste une petite chronologie, c'est la première fois que j'en vois une comme ça, mais il faut se dire que c'est seulement les choses qui ont été rapportées, donc il y en a probablement encore d'autres. Le 1er février, tout ça se passe plus ou moins de nuit. Une Renault noire passe près d'une personne à vélo. Le passager avant ouvre la fenêtre et jette de l'eau sur la tête de la cycliste. Le 8 février, des fascistes dans une Peugeot bleue crient « Je vais vous niquer » et autres insultes et lancent des trucs par la fenêtre pour intimider un groupe de Syriens qui est installé en face de l'église. Le lendemain, le 9 février, un groupe de 4 Égyptiens croise une voiture bleue qui essayait de les écraser sur le chemin de la jungle de Tioxide qui va jusqu'au centre de jour Jules Ferry. L'un d'eux est allé à l'hôpital parce qu'il a été percuté par le rétroviseur. Ils ont informé la police de l'incident. Le même jour, une personne d'Afghanistan a été frappée par 4 personnes dans une voiture à haillons grise près du squat Galou. Ils les avaient déjà vus près de Galou la veille quand ils les avaient insultés. Ce jour-là, ils ont utilisé des bâtons, les fascistes, hein, et des coups de poing américains. Les personnes du squat Galou ont confirmé que cette voiture fait des rondes dans le quartier chaque nuit. Le 12 février, une personne d'Afghanistan a été frappée avec des bâtons sur la tête et des coups de couteau dans le torse. Il y a 3 nuits qu'elle retournait d'un parking pour aller à... Il y a 3 nuits, quand elle retournait d'un parking pour aller à Tioxide, au squat à la jungle de Tioxide. Par la suite, il a été emmené à l'hôpital et en ambulance et la police a été informée par l'hôpital. Cette fois-ci, les fascistes étaient à pied. 2 jours après, le 14 février 2015 toujours, 3 personnes en provenance du Soudan, donc des Soudanais, ont été attaquées par 4 fascistes à proximité de la jungle soudanaise pendant la nuit. 2 d'entre eux ont réussi à s'échapper, mais un a été gazé par une fasciste, puis battu par 3 fascistes. Il est allé à l'hôpital par la suite et il y est resté plusieurs heures. Il a décidé donc d'écrire un témoignage. Le 19 février, à 1h du matin, une personne allemande en vélo, soutien des migrantes probablement, a été intentionnellement heurtée et renversée par une Twingo grise à l'intersection boulevard Lafayette et quai du Commerce à côté du supermarché Match. Elle a été blessée aux jambes et son vélo est brisé. Elle a déposé plainte contre X au commissariat de police de Calais où elle a enregistré... Voilà. Donc... Voilà, donc ça, c'est on est pris entre deux feux, comme on dit. Hein. D'un côté, on a une police dont les violences sont dénoncées très régulièrement, notamment aux défenseurs des droits, dans un rapport qui s'appelle « Cette frontière tue ». Mais, et avec un ministère qui les couvre, hein, que ce soit Hortefeux, que ce soit Valls, que ce soit Cazeneuve, tous couvrent les violences de la policière en les minimisant ou en disant que ça date ou qu'il n'y a pas assez de preuves ou qu'il n'y a jamais de plaintes qui sont déposées, ce qui est faux. Et d'un autre côté, voilà, la justice qui, elle, dégrade une plainte vers zéro ou rien du tout. En l'occurrence, avec cette histoire de jambes écrasées contre la barrière. Et puis d'un autre côté, des fascistes anonymes, pour l'instant, qui, chaque nuit ou presque, commettent des violences qui vont croissantes contre des migrants et des migrantes et des personnes qui les soutiennent. Voilà. Toutes ces raisons donnent très envie d'aller demain à Calais, à 16h, pour aller manifester contre les violences policières et se renseigner encore un peu davantage sur celles-ci. Et voilà, montrer la solidarité et s'organiser pour lutter. Le rendez-vous, c'est 16h du coup, place Richelieu, c'est ça? C'est ça, à Calais. Ok, Et on en reste là. Et on en reste là, j'ai fini, et quant à moi. Très bien. Et bah, du coup, vu qu'il reste peut-être 30 secondes, on va dire au revoir, on va dire à la semaine prochaine. Peut-être tu peux redonner l'adresse de passeur d'hospitalité, oui, où il y a pas mal d'infos sur Calais. Carrément, c'est très bien mis à jour. Donc, c'est passeur d'hospitalité tout attaché et au pluriel, il faut le dire. PA2SEURS d'hospitalité S aussi, .wordpress.com. WordPress, c'est WORDPRE2S.com.